Le rap est tombé dans l'enfer de la récup comme Samira Bellil. Les M6 battent pour la répute qui les rendra crédibles. Deviennent mystiques, veulent tous prouver qu'ils se tapent. Résultats ne valent toujours pas une cacahuète sur mixtape. C'est pas du free fight, c'est du rap. Toujours dans la bonne direction, c'est pourquoi la scred c'est durable. Traverse le temps, les tendances, pense à sa descendance en portant l'étendard de l'indépendance. J'allume un feu et la tise pour qu'ils réduisent en braise le bis de ceux qui brisent nos rêves. C'est pas les MC que ça avise, mais ceux qui puisent leur sève. Puis les laisse le cul entre deux cesses, les hypnotise en vue de plus de pèse. De là sortent les couplets tordus comme la tour de Pise. Les MC en ballerine et les usent à leur guise et prennent cinq fois leur mise. Le rap est une puissance mal gérée comme l'Algérie, mais j'arrive ravageur. Bounod et les majors n'auront que le poster de mon majeur. Dans l'industrie du disque, trempe mon biscuit, forcément du mal à rentrer, alors ça fait du bruit. Le rap est une puissance mal gérée comme l'Algérie, mais j'arrive ravageur. Bounod et les majors n'auront que le poster de mon majeur. Dans l'industrie du disque, trempe mon biscuit, forcément du mal à rentrer, alors ça fait du bruit. J'ai pesé le pour et le contre, étudié la question en long et en large. Mon rap est bel et bien fait pour évoluer en marge, pas pour faire le touriste, mais monter des écuries calibrées. Les tueries redonnent le sourire aux puristes. Et de toute façon, qu'est-ce que je risque? Tu sors un disque, un clip pour les mômes, t'es le best. Mais s'il y a plus le kiff, qu'est-ce qui reste? Ouais, j'ai du mal à me faire à l'idée que je devrais, moi, me manger la même banane que Johnny Hallyday. Donc j'ai des beats secs sur beat, défends mon beefsteak. Mon beef monte mon business de disque. Tous les jours, je me dis qu'il faut que je grappe du texte par disque. Pas que je m'amuse presque par vis. Ouais, c'est dur d'être artiste. Le rap est une puissance mal gérée comme l'Algérie, mais j'arrive ravageur. Bounod et les majors n'auront que le poster de mon majeur. Dans l'industrie du disque, je trempe mon biscuit, forcément du mal à rentrer, alors ça fait du bruit. Le rap est une puissance mal gérée comme l'Algérie, mais j'arrive ravageur. Bounod et les majors n'auront que le poster de mon majeur. Dans l'industrie du disque, je trempe mon biscuit, forcément du mal à rentrer, alors ça fait du bruit. Je viens de la Goutte d'Or, le melting pot de Paname. C'est là que mes potes se pavanent. Entre et sort de cabane, nous vivent en cavale. Donc même côté à 100 contre 1, t'auras que dalle, tu peux garder ton contrat pour ceux qui suent ses cavales. Y'a rien à gratter, front kick c'est pas les Maus. J'suis juste un gars de la rue, contenu pour faire du bon 11. J'ai commencé ma promo dans les couloirs du bahut. C'est maigre, mais c'est pas pour que ça se finisse dans les poches de Pascal Maigre.